ton bâton, tu l'as fabriqué toi-même. Ce beau bâton, un jour tu feras le même. Pour faire le chemin de Compostelle, faut un bâton, c'est mieux qu'une pelle. Toi, ton premier, c'était à Burgos. T'étais tombé, ça fait une fosse. Ce bâton, je l'ai fabriqué moi-même. Ce bâton, ce beau bâton, un jour tu feras le même. Mais arrivé à Santiago, tu t'es dit, ça serait rigolo d'en fabriquer un beau bien à toi. Dans ton étang, y a beaucoup de bois. Ce bâton, je l'ai fabriqué moi-même. Ce bâton, ce beau bâton, un jour tu feras le même. T'as pris une branche de bonne longueur, enlevé l'écorce et les branchettes. Tu l'as poncé avec ma grande sœur, du papier de verre, une cratounette. Ce bâton, je l'ai fabriqué moi-même. Ce bâton, ce beau bâton, un jour tu feras le même. Je l'ai peint en bleu, c'est pas fini. Les badigeonnés de vernis, les bercés pour la ficelle, ça y est. Bien dans la main, ça c'est le pied. Ce bâton, mon bâton, tu l'as fabriqué toi-même. Ce bâton, ce beau bâton, un jour je ferai.